commence ma vie par un accident qui ne me laissera pas incompétent. L'histoire d'une vie que tout le monde bannit. On ne cesse de me traquer, mais mon potentiel je ne fais que l'exploiter. Le rap j'ai réussi à l'apprivoiser, comme ces animaux enfermés par le mépris des gens. Leur instinct est admirant, écoute ce son, c'est par ça que je réponds. Mon avenir réside dans cette cave, seul mon esprit s'évade de cette cage. L'animal pur et dur se retrouve au pied du mur. Depuis tout petit la musique m'envahit, ma tête pleine de rimes se remplit. Je trache trop de choses froides, le blizzard ne fait que s'accroître. Ta malchance est de me rencontrer, ton bonheur est de ne pas m'oublier. Moi c'était yes et je suis trop fier, donc de toi j'en ai plus rien à faire. Il est trop tard. Il est trop tard. Il est trop tard. RWA. Il est trop tard. Il est trop tard. Il est trop tard. Okay. Il est trop tard. Il est trop tard. Indépendant, j'ai montré la déferlante vague, celle qui rase tout sur mon passage, aussi dévastatrice rage. Rien à foutre des préjugés, je pense qu'à ma gueule et ça, je le sais, le 6-8 ravitaillé, le rap réinventé. J'ai ramené de la bonne vibe, on s'en bat les tubes du Paname. Dora mes punchlines, les yeux levés vers le ciel. Je vais tirer les anges pour voler de leurs propres ailes. C'est mon rap game, fini de jouer avec la mélancolie de nos thèmes. Je rappe sur ma rengaine, on a dégainé notre mise à long terme, c'est vise la lanterne. Je vais pas mettre à te vendre de l'herbe. Mes paroles t'empoisonnent, la prose est lourde. Ma voix t'emprisonne, temporairement inclassable. Y'a l'envie de vaincre sans une arme. Se sent d'encre bouillant, ça sent que j'entre dans un brouillard. Il est trop tard. Il est trop tard. Il est trop tard. J'ai un R. Il est trop tard. Il est trop tard. Il est trop tard. Il est trop tard. Il est trop tard. J'ai un H. Il est trop tard. Il est trop tard. Des rues et j'ai plus le temps pour plaisanter. J'haine, excusez-moi, j'ai oublié de me présenter. On m'a dit Julien, le son c'est pas pour toi. J'ai posé trop de questions, personne répond, j'sais toujours pas pourquoi. Alors j'avance seul dans ce brouillard. La vie c'est pas sorcier, mais c'est pas non plus le monde de Poudlard. Donc j'passe ma vie à écrire des textes, j'sais pas quoi faire. Alors j'envoie mes rimes comme fils et détresse. J'ai essayé de faire tourner son avec des SMS. Les gens n'ont pas compris que je leur faisais passer un SOS. J'ai compris que le monde n'est qu'illusoire. Au moment d'écrire ce texte, j'ai peur de vous décevoir. Pour moi, réussir, peut-être que c'est trop tard. La vie est un combat et chaque jour je pars avec des cocards. J'ai plus quoi faire à part rapper. La réussite est un sommet que j'arrive pas à grimper. Il est trop tard. Il est trop tard. Il est trop tard. J'ai un H. Il est trop tard. Il est trop tard. Il est trop tard. Il est trop tard. Il est trop tard. J'ai un H. Il est trop tard. Il est trop tard. Yeah. Il est trop tard. J'ai un H. RWA. FDM Records. 68.0 prod. Il est trop tard. Il est trop tard pour percer. Les jeunes veulent du rap, ne veulent plus être percés. Il est trop tard. Il est trop tard. Il est trop tard. J'ai un H. Il est trop tard. Il est trop tard. Il est trop tard. Il est trop tard. Il est trop tard. Il est trop tard. J'ai un H. Il est trop tard. Il est trop tard.